boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Ce soir, je vous propose un voyage au pays des affaires sensibles de Fabrice Drouel. Alors non, pas question d'essayer d'imiter l'inimitable Fabrice, nous allons plutôt aller voir du côté de Muriel Pérez, programmatrice musicale chez France Inter. C'est elle qui illustre les affaires sensibles bien souvent. Commençons donc par un des trois titres qu'elle avait choisi lorsque Fabrice Drouel évoquait Truman Capote lorsque ce dernier écrivait de sang-froid. Premier titre du groupe Handsome Family avec le titre Far From Any Road. Second titre autour de Truman Capote, la dénommée Bonnie Prince Billy avec le titre Death to Everyone. I am here, right here, where God puts none asunder. And black shoe, you do invite me under. Go on, go there. You can see me aging, stars turn, balls burn, coming kids are raging. Death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Every terrible thing is a relief, even months on end, buried in grief, are easy lifetimes which have to end with the coming of your death, friend. Death to everyone gonna come. And it makes Jose much more fun. Death to everyone is gonna come. And it makes Jose much more fun. Strap me on and raise me high, 'cause buddy, I'm not afraid to die. But life is long and it's tremendous, and we're glad that you're here with us. And since we know an end will come, it makes our living fun. Death to everyone is gonna come. And it makes Jose much more fun. Death to everyone is gonna come. And it makes Jose much more fun. Death to me and death to you. Tell me, what else can we do, Dadu? Death to all, death to each. Our old God bottles within reach. Death to everyone is gonna come. Jose, much more fun. Vous êtes bien sur RVR pour les petits enfants du rock avec Pop and Rock. 0111 0011, crying zeros and I'm hearing 111. Got my summer soul, sat my back flip. Oh summer, summer, oh, oh summer, kiss me. The sun really wants it to be. Whiskey, soda, beans, your G&T's empty. Jepson played the boys who sung to the bottom. Poor summer, summer, poor, poor summer, kiss me. About where we belong. Boom, boom, boom. Galley, you sinking like a beating storm. Boom, boom, boom, boom. All about the crowd around. So very loud. Mister, get me a skeleton. This back slaps the surface of the pool. Pool killer, killer, pool, pool killer, kiss me. Mister, got me in skillet, told me so. La la la la la la, burning down on the radio. La la la la la la la, oh summer, summer, pool. Summer vibes still. Inco blood. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. Just be. in cold blood. Alt J, pour terminer cette première triplette de Muriel Pérez lorsque Fabrice Drouel évoquait le livre De sang froid de Truman Capote. Affaires sensibles nous fait aussi voyager dans le temps, mais également est capable de nous emmener aux confins de l'Amazonie, comme dans cette émission rediffusée le 2 juin 2021, entre atmosphère d'expédition et tribus indiennes. C'est Yves Simon qui offrait Amazoniac. Playlist très française pour cette émission, puisque nous retrouvons à présent Gérard Manset avec le fabuleux titre « Oh Amazonie ». Oh Amazonie, que tu es loin, avec tes odeurs de pluie, Amazonie, le cri des singes dans le lointain, « flamme du verre. Oh, Amazonie, je te l'avais dit. Manitoba ne répond plus. Il s'est brisé les ailes contre un amas de bambou. Il s'est cassé debout. Oh, Amazonie, qu'es-tu devenu? Num barro molhado. Sinta rima. There's a lot more you smile. Oh. Tous les jours de la semaine, Fabrice Drouel nous accompagne dans ses affaires sensibles, histoires réelles, voyages en terre inconnue et parfois fiction, pour nous faire entrer dans des moments dans notre histoire, comme ce fut le cas dans la fiction Panda, la voix du djihad en 6 épisodes, illustrée musicalement notamment par Noel Gallagher's High Flying Birds. dans Pop and Rock, c'est un spécial playlist des affaires sensibles de Fabrice Drouel. Oh now mama, don't you hear my plea? What is this horror, mama, flooding over me? They return the Nazis every 70 years. Bombs explode in Paris, the future is here. There's no brave England, no brave Russia, no America. Their sins come home to haunt us from the wrong side of the gun. Who is that creeping up the stairs in black? It's a murderer, mama, knife you in the back. They come at night and the world goes blind with fear. Terror in Paris, the future is here. Cry for them, cry for us, playing the game of death. It's not a game when you are down to taking your last breath. Just like before, turn the streets to blood red rivers, turn your eyes no more. They come at night and the world goes blind with fear. Iron bars in Europe, the future is here. Those who survived that night are still completely traumatized. The souls unlucky, shot like dogs between the eyes. There's no brave England, no brave Russia, no America. Whoa. Their sins come home to haunt us from the wrong side of the gun. Le 16 décembre 2015, les affaires sensibles de Drouel nous racontaient l'improbable histoire de la genèse du film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Des folies de Marlon Brando aux reports incessants de la sortie du film, ce sont les Doors et AC/DC qui accompagnaient cette fable des temps modernes. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. Of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. We'll be right back. yourself pain, and all the children are insane. All the children. Le 8 novembre 2017, Fabrice Drouel nous faisait revivre l'enregistrement d'une équipe de France Inter qui s'était rendue au château de Vos, soi-disant hantée par une ancienne châtelaine. Et grand frisson assuré lorsque l'on tend l'oreille, entre mystère et manipulation, ce sont les Doors avec Ghost Song qui nous ont alors rassurés. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy.

telling people what they was, spitting out all sorts of sugar, just dying for a cause, cause, cause. A smile, a slither to my corner, on a face so true. My word is always in the ready, and I'll be tribute that to you. I don't belong to anyone, I don't belong.